Le mot pour dire maintenant est ahora. Ahora. Vous y reconnaîtrez peut-être le mot hora, qui veut dire heure. Hora, qui s'écrit H-O-R-A. Le H, comme en français, n'est pas prononcé en espagnol. Donc, hora, c'est heure. Et ahora, ça veut dire maintenant. Maintenant, ahora. Comment direz-vous j'en ai besoin? C'est moi, hein? Yo, c'est moi qui en ai besoin. Donc, on doit avoir un O à la fin du verbe. Donc, j'en ai besoin, lo necesito. Necesito. C'est ça. Lo necesito. J'en ai besoin. Lo necesito. Et, si on poursuit la phrase, mais je ne le veux pas maintenant. Pero. Pero, oui, je ne le veux pas maintenant. Lo quiero. D'accord. No lo quiero. Hein? No lo quiero maintenant. Ahora. Encore une fois. Ahora. Bien. Pero no lo quiero ahora. Dites-le à nouveau. J'en ai besoin, mais je ne le veux pas maintenant. J'en ai besoin. Lo necesito. Mais je ne le veux pas maintenant. Pero no lo quiero ahora. D'accord. Lo necesito, pero no lo quiero ahora. J'en ai besoin, mais je ne le veux pas maintenant.